Bonjour les gars, 3 ans depuis le festival. Comment vont vos parents? Fiers de vous avoir eu dans ma salle. Ça fait longtemps, je comprends si le nom vous revient pas. Mais putain, j'étais ému quand j'ai su pour l'Olympia. Yo les gars, je sais pas qui lira ce message. Avec des potes, on a une belle villa au bord de la plage. Dans une semaine, on fait une fête, je sais que c'est bizarre. Mais si vous venez faire un freestyle, on payera la pizza. Hyper déçu, j'ai croisé Oli en ville l'autre soir. Pas un bonjour, pas un sourire, pas un regard. C'est beau de faire des leçons dans vos textes, nous faire croire qu'on peut être potes. Vous êtes les mêmes vendeurs de rêves, ouais. Vous valez pas mieux que les autres. Et les petits, big up pour le son et pour l'ambition. J'ai adoré quand vous avez refusé cette émission. Je viens de Marseille, longtemps que j'écoute plus de rap, mais voilà. Vous me faites penser à un bon groupe qui venait de chez moi. Oli, ça va? C'est Momo de la colo. Obligé de t'écrire ici, tu réponds plus à mes textos. Je repense au dortoir et ces promesses qu'on s'est tenues. On a fait un repas avec les autres. T'es pas venu. C'est le 10e message, mais je retente ma chance. J'ai des photos de vous collées sur tous les murs de ma chambre. Et ça devient lassant, mais j'abandonnerai pas. Alors encore une fois, s'il vous plaît, répondez-moi. C'est le 10e message, mais je retente ma chance. J'ai des photos de vous collées sur tous les murs de ma chambre. Et ça devient lassant, mais j'abandonnerai pas. Alors encore une fois, s'il vous plaît, répondez-moi. Avant c'était que des boom bap, grosses basses à l'ancienne. Maintenant vous faites du gros cash à la chaîne, dommage. Je crois que votre inspi est tombé en panne. Désolé de vous dire que vous venez de perdre un fan. À des milliers de kilomètres, mais le son altère la distance. On vous écoute à fond dans le cyber de Abidjan. Bientôt la cour des grands. Franchement, j'aimerais vous aider. Faut dire qu'ici, c'est pas facile de trouver le CD. Salut Florian, on était ensemble en 6ème. Je sais que tu penses à nous, même si tu donnes plus trop de nouvelles. Les fous rires à la cantine sur les yaourts, tu t'en souviens? Madame Martin nous a quittés. Je sais que tu l'aimais bien. Merci, c'est tout ce que je veux vous dire. Et sans vos chansons, je pourrais même pas vous l'écrire. C'est vrai, je voulais partir me faire une place dans les étoiles. Vos sons m'ont fait du bien, depuis j'arrête de me faire du mal. Ça fait 3 ans qu'on s'est lancé dans le son. On avait fait votre première partie à Besançon. Et je vous cache pas que vous avez déçu l'équipe. Vous nous aviez promis au moins un avis sur le clip. C'est le 100e message, mais je retente ma chance. J'ai des photos de vous collées sur tous les murs de ma chambre. Et ça devient lassant, mais j'abandonnerai pas. Alors encore une fois, s'il vous plaît, répondez-moi. C'est le 100e message, mais je retente ma chance. J'ai des photos de vous collées sur tous les murs de ma chambre. Et ça devient lassant, mais j'abandonnerai pas. Alors encore une fois, s'il vous plaît, répondez-moi. C'est l'anniversaire de ma petite sœur en décembre. Je l'aime plus que tout, je crois que Big Flo doit me comprendre. Si vous pouviez passer, c'est peut-être un délire, mais juste pour une heure, ça ferait super plaisir. J'étais là au concert, 14h déjà devant l'entrée. Vos sons pour patienter, ça m'a fait bizarre de vous voir en vrai. Je connais tout par cœur, même vos phrases d'impro. J'étais le mec à la casquette à fleurs, à droite de Flo. Merci pour la dédie, Oli, t'as kiffé le cadeau. Avec le stress, rien n'est sorti, et j'ai juste dit bravo. Alors pour me rattraper, je vais écrire un pavé. Fallait que je vous parle de moi, car je commence à rapper. Et tard le soir, bande de fils de p***. Sérieux, vous faites pitié avec vos têtes de coup. Et vos chansons sur l'amitié, vous mériteriez de crever. Et qu'on vous revoie plus, je croise les doigts pour qu'un jour vous me croisiez dans la rue. J'habite loin de chez vous, mais je me sens proche de l'écriture. J'en parle sur toute mon île, le son à fond dans la voiture. On serait fiers de vous faire visiter avec mon père. Est-ce que je dois prendre l'avion pour vous voir en concert? Bonjour, je m'appelle Martine et j'ai 46 ans. Malheureusement, j'ai perdu ma sœur dans un accident. Travailler entre frères, dites-vous que c'est une chance. Quoi qu'il arrive, promettez-moi de rester ensemble. Ensemble. Hey Oli, bravo pour ta plume, t'écris trop bien. T'as un truc en plus que ton grand frère a en moins. Il est pas nul, mais ça me fatigue son délire de rigolo. Quand est-ce que tu nous le sors, ton putain d'album solo? C'est le 1000e message, mais je retente ma chance. J'ai des photos de vous collées sur tous les murs de ma chambre. Et ça devient lassant, mais j'abandonnerai pas. Alors encore une fois, s'il vous plaît, répondez-moi. C'est le 1000e message, mais je retente ma chance. J'ai des photos de vous collées sur tous les murs de ma chambre. Et ça devient lassant, mais j'abandonnerai pas. Alors encore une fois, s'il vous plaît, répondez-moi. J'ai une association pour les enfants malades. J'aimerais que vous veniez à notre grande soirée de gala. Ils attendent avec impatience la grande annonce. J'ose pas leur dire que ça fait 3 mois que j'ai pas de réponse. Tous les soirs avant de dormir, vos sons m'ont bercé. Je vous connais tous les deux depuis l'époque du RC. Moi aussi je fais du rap, mais ce que je voulais dire c'est quoi le truc, comment vous avez fait pour percer? Hello les gars, j'avoue je sais pas trop comment faire. On était là à Brest, donc je laisse un petit commentaire. Je suis mère de 2 petits, eux aussi sont frères. Et tous les soirs, dans la chambre, ils refont votre concert. On a gardé les tickets à la maison, vous êtes nos stars. On a attendu pour une photo, mais vous êtes sortis trop tard. J'ai adoré la trompette, les blagues sur les filles en couple. Depuis que leur père est parti, ils écoutent le disque en boucle. Répondez-moi. J'ai des photos de vous collées sur tous les murs de ma chambre. Mais je retourne ma chance. Répondez-moi. J'ai des photos de vous collées sur tous les murs de ma chambre. Répondez-moi. Et Oli, on a reçu beaucoup de messages sur notre page aujourd'hui là. Faudrait répondre un petit peu. Ouais, j'ai la flemme là. En plus, il y a Jimmy qui fait une soirée chez lui ce soir là. Faut vraiment qu'on y aille. Ouais, j'avoue, on le fera plus tard.